Ouais. Ça, on en personne en direct. Ok. Ouais, petite pute, on va te faire ta fête. Jamais ça s'arrête, je vise la tête. Devant le bloc, ça guette. Armé si ça pète, si ça marche plus, faudra faire un vet. J'ai revu mon avis, si tu veux mon avis. Y'avait personne quand t'avais pas, y'avait tout le monde quand t'avais. Je me verrais bien sans taffer, vive ma vie et sans taffer. Tiens, traite, et j'ai su parler sans me baffer. Trop de gens autour de moi, croire que j'avais le bafa. La vie parfaite dans les bafons. Y'avait un calibre du shit dans mon plafond. Des mecs comme moi, y'en a pas deux. Les mecs comme toi sont des milliers, ils sont pleins de casse, mon frère. À la première occasion, ils veulent t'humilier. Tu peux pas t'aimer, t'as pas fait le bon. Tu peux pas m'aimer, j'ai trop fait le bien. J'fais jamais de grève. Jamais le pan, je fais des joints, je les pousse dans mon bain. Des problèmes, et mon vieux, j'en ai marre. Je veux plus qu'on me voie, j'ai plus qui est qui. Y'a plus d'amis, y'a plus de frères, éteins les phares. Une info, ça vaut cher, ça nique son pote pour investir. Alors qu'avant, c'était plein d'on est ensemble dans les vestiaires. Tu vois pas la vie que je mène, studio, j'écris toute la semaine. J'aurai un album, je regarde même plus le classement. Nique la première semaine, la vie de quartier dans le sang. J'évite les soirées dansantes, tu chopes, dis à tout le monde tu l'as niqué. Fais gaffe qu'elle soit pas en scène, je suis à l'ancienne, je suis dans le pare-soleil. Je suis ce genre de mec qui garde les lunettes, même quand y a pas de soleil. Marseille l'hiver, la nuit c'est vide. Avec la vodka, on s'évade, peine dans les regards. Des fois, c'est pas parce qu'on s'aime, parce qu'on s'évite. Ça va plus loin que ça, un souci complexe. T'es pas un vrai, tu veux pas me dire la vérité. Croyant que ça va me vexer, t'aurais pu me texter, mais pas me tester. J'suis pas ma despé, j'en fais un d'inspi dans le respect. Moi, on me voit pas, j'suis comme le vent, j'suis comme avant. On me dit comment tu fais, j'suis pas, j'suis comme si j'avais rien. J'suis comme toi, j'suis qu'un terrain. Ne l'ouvre pas trop, frérot, tu pourrais te faire foura. J'crois que tu fumeras encore les chutes quand j'aurai la barre blanche comme le père Foura. Ah oui. Et le poteau rigole, il me dit, tu tarpes un fou, oula. Putain, j'fais une boulette dans RS. Sur le grand-père Amounia, on sait combien la vie est chère. On sait ce que c'est un billet vert. Ouais, demande à Wari et Gère. Ça t'a manché de pied ferme. Fait, et on veut refaire, on vit en fer, on est fort, on est fier. Laisse pas petit frère dans le four, laisse pas traîner ta dame. Tu pas où t'habites à tes dames, donne pas ton hume, ça te gère. Donne pas à n'importe qui ton cœur, même quand t'as raison t'es en tort. C'est pas tes potes qui t'enterrent, c'est juste ta mère et ton père qui pleureront vraiment ta mort. Bisez pas toi si tu plombier, maçon ou platiste. Tu voles, tu braques ou que tu fasses partir des plaquettes. Ah oui, ça m'attriste. Je suis ce mec à grandir sans argent. C'est pour ça que j'en connais sa valeur. J'suis pas un voleur, moi, monsieur l'agent. J'ai connu la merde. Combien j'ai pardonné. Tu m'as blessé, rabaissé. J'pourrais pas t'ordonner. N'ai pas l'air étonné. Quand j'rappe, t'entends le tonnerre. J'nique les donneurs, les commères, la compte de vos mères. Moi, j'dis merci. La rue m'a versé. Oh Dieu, merci. Yes, si moi, j'vais percer. Tu verras plus qui de ma caisse. Changerai pas même si demain. J'ai plus de ma baisse. Arrête tellement que j'suis gentil. J'sais même plus qui m'a fait ça. Si j'suis pas fou. Je crois que je fais partie des gens bien. Même petit, j'étais grand, donc s'il te plaît, viens pas me faire l'ancien. On le sait tous, on se fait niquer. Les gens, ils sont pas cons. Et j'entends beaucoup dire que Macro rime avec Macron. C'est Ramadan, le pote passe de ma croûte. Je vois des petits à la gratte. Et ouais, ma couille, vous sortez comme but. Trouver de l'or ou une brette. Ling, je te frappe comme jet. Ling, je pourrais avoir 7. Ling, plein de fois, ils ont dit que tu mords. Dis-leur que je suis pas un chat, j'ai pas 7. Dis pas que t'as pas bougé sur Dieu. Dis pas que tu me connais pas. J'ai le week-end dans ta boîte. Sur mon sang, t'envoies des pas. Ma salle de dépôt, longue peine. Ça fait le sport, ça fait des complots. Y'a des couples, ils font des coupes secs quand on passe. Parce qu'on pèse, qu'on a des sous, des gadgets, qu'on est beau et qu'on baisse. Je suis français, moi c'est Jules. Mon deuxième prénom, c'est François Combes. Parce que ça vient casser les couilles. Je vais mettre un gilet pare-boule. À force de donner un Y, je vais finir par niquer le pare-bou. Elle fait des dégâts, elle est bonne comme Cardi. N'arrête de croire que ta gadget, c'est Barbie. Elle est méchante avec toi, et toi tu fais le gentil. Ça y est, elle s'est chantée. Elle se prend pour un chienti. La tête en chantier, ouais. Tu dirais mon métier. Eh ouais, mon petit, quand ça allait mal, dis-moi où vous étiez. J'écris, je fais de la compo. Fais pas le fou, tu vas te prendre un combo. Demande à Mini, c'est Zango. Ouais, en plus, j'ai pas le temps, frérot. J'ai pas le temps. Alors où je te parle, frère, j'ai trop les dents. Quelqu'un me suit, je fais trois fois le tour du RT. J'ai pas de TGB, je veux pas me faire convoquer par la BRB. Je me camoufle dans un Airbnb. Je fais pas le PNP. Pour faire le buzz, j'aurais pu passer 10 fois sur tes PNP. J'ai vu une sale gadie dans Range Rover Evoque. Je m'arrête au feu rouge, je fais le signe de l'optique de l'évêque. Je vois les jeunes faire les chemins de l'école ensemble. Sourire aux lèvres, ça parle d'argent. Dire que t'en dans 10 ans, ils se mettent en sang. Mon carré fait doré de platine, pas trop actif mais créatif. Arrête de faire le mec à des couilles, on le sait que tu es prêt à chier. Je bois mon sirop, je fais ce que je désire. Dérape pas, tu vas te prendre le mur. J'aime quand un pote trahit pas comme Tiro. Cœur déchiré, je veux m'achir, on fait girer. On me dit que je suis givré quand je vois les giro et arrête. Quand je suis énervé, je fume la plaquette. Je fume péto sur péto et tous les jours je dis que j'arrête. Moi je suis content quand ça rappe. Quand je vais faire un tour en cli-cli avec mes blancs, mes blacks et mes arabes. Ça trouve des rimes en roulant. En fumette, je mets des coups de volant. Et je rappe violent sur le violent. Et je me retrouve vers Nolan. En 4 ans, je passe le temps, je suis dedans. Je fais des zigzags, je vais dans le vent. Je suis enceinte, je regarde les gens. Des fois ça va, des fois non, ça dépense. Quand je me sens, ça t'étonne. À la zone, y'a le peupon. En temtem dans la zone. Dans tous les tchèques, ça bétonne. Ça vend la peu à la limone. Ça sert une cadoule devant les mômes. Les flics nous chassent comme des Pokémon. Ok man, arrête de crier deux secondes. Aux oreilles, tu me fais mal. Tu te compares comme une femelle. Mon poignet se dégonfle, j'ai deux doigts de rouler sur la galette. J'écris mon texte, je conduis, je passe par les égards. aujourd'hui le rap c'est en toi. Je dis toujours ce que je vois, d'ailleurs, là je suis dans les bouchons, avenue Saint-Antoine. Je prends mon chute dans le 14ème, je m'arrête normal devant le réseau. Ça me demande de faire la pub, je fais le signe, je dis c'est la buste. Je rappe pour les sicarios, j'ai pas vu l'heure, je suis rentré tard hier. Tu verras jamais de folle sur ma banquette arrière. Tu fais l'engâtier, quand on fait dans RS, je vois un jeune posté sur le siège quand je passe devant la casse. Fais gaffe, ils pourraient venir te péter en pasteur. Et je crois bien que les indiques dans leur chambre, on les smut en poster. Là je vais vers Allo, quand je me crois dans Verali. Tu peux dire tout ce que tu veux, on a qu'un père, qu'une mère à vie. Ouais, ouais. La roue elle tourne et pas qu'au vieux port. Je suis malade, j'ai vu Notre-Dame avec un vieux port. Je suis pas mon égard, j'ai connu cette drogue, et mon étau. Et pour être honnête, moi je regarde pas dans le rétro. Ouais, je mange un douche à l'instac, me mange des frites et un steak. J'ai bientôt petit en stock, je fais du rap comme un steak. Si je vais trop loin, dis-moi stop, on stop. Après on tape la bise. Et si tiens suite la daronne, direct on tape la base. Je passe par Vendère, on me dit qu'un mec il s'est fait plomber hier. Direction la canne bière, en me descendant une bonne bière. Là je suis sur Jarret, je fais côté mon texte à viser. Pour une heure vos critiques, je peux vous dire qu'on sent pas. La mise veut la toffe et le bisou, elle me reconnaît même déguisé. Ils se moquent de moi la tête qu'ils ont, ils veulent ma tête, ça fait pas viser. C'est Tintin, est-ce que t'entends? Sur ton ton, t'as fait la houppette comme Tintin. Oh dindin, en plus ça skip, t'as pas les pimpons. T'as pas un plou, pas un peu en ferrin. Et tu me fais fanfaron, on va tuer vers le pharaon. Marseille c'est le far west, là je passe par le panier. Je vois le comico de l'évêché, on va te piquer si t'as panier. Si les chemises t'as léché, je vois les bateaux de la Joliette. J'ai des fous, je veux pas finir d'un destin tragique à la Roméo et Juliette. Ici ça fait des gros billets, ici c'est la rue pour deux bancs. D'ailleurs, là je suis au croisement, là où ça a fait le fourgon. Là je prends à droite, direction marché aux puces. Une caisse me suit, j'en compiste. Mais sur l'audi, je vais mettre la puce. Ouais, je vais tous les baiser, jaloux du truc, je suis pas rappé. Mettez le DP sur le drapeau, je veux pas la guerre, je veux juste la paix. Wesh ma poule, wesh ma belle, tu m'en veux, on se rappelle. Dans les murs, je foncerai pas, ce qui peut se passer, on ne sait pas, mais sur le volant. Là je retourne vers quartier sud, L2 je passe par Romain Roland. Je vois le guetteur de la Sauva prendre le relais. J'arrive à Dromel, je vois le stade Vélodrome. Marseille c'est chauffer les drames. Chose que ça fait pour un gris, c'est pas un dream. Les petits se droguent, prennent la cocaïne. Au bar ils se mettent minab, stop des gadis papillina. Rien à faire je m'ennuie, je passe par la soude et la caillole. Et là j'ai envie de te dire, faut qu'on reste soudé, même en paillole. Ouais, direction Marignane, avec le sang en jet privé. 9h28 en bas du mètre, on va faire TB, je vous préviens. Ouais, y'a que des marioles dans mon équipe, ouais comme ma bariole. On va te niquer ta mère, si tu fais le vaillant. Ni ta bagnole, ouais, ouais. Ça fait, tout le monde, ça fait. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Merci la zone, merci la zone, la la la, merci la zone, la la la la la la. La morlette, les cornes. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Les flamands, les iris, la bucerine. Les hirondelles, les lilas, la gavotte. Calice, le bourré, lila, granière. Picon, les genêts, coraux. Saint-Paul, Bellevue, la crotte. La vis, cabucelle, consolant. Le Bengale, le petit séminaire. Prévalent, Tour Saint et Maronnier. La maison blanche, la Marie, les olives. Valplan, la Bégude, le Clos, la Renaud. Jean-Jo, la Castée, la Savine. Les oliviers, le plan dans la brita. La solie et le micoucoulier. Le castella, sa paternelle, les sept. Les balus, la cerise et du merlan. La fraise coulée, les pains verts. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Les beaux mecs, salon et lui. Tarascon, le ponté et grâce. Nanterre, la santé, bois d'Arcy. Drancy, Fleury et Fresnes. Ce que d'un corps bas, c'est safe. Borgo et à toutes les mafs. Et à toute la team Joule. Là, c'est Joule, Joule, Joule, Joule, Joule.